بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. Dans le cours d'aujourd'hui, on va voir si certaines choses invalident le siyam ou pas. La première question concerne le fait d'avaler sa salive. Est-ce que le fait d'avaler sa salive invalide le siyam ou pas? L'imam al-Nawawi a dit que si on avalait notre salive de façon normale, dans ce cas-là, cela n'invalide pas le siyam selon al-Ijma', selon le consensus des savants. Tous les savants sont d'accord pour dire que cela n'invalide pas le siyam. Il a expliqué que c'est quelque chose qu'il est difficile d'éviter, et si cela invalide le siyam, eh bien le prophète, alayhi salatu wassalam, l'aurait montré. Et le deuxième cas est le cas où la personne regroupe la salive dans sa bouche, puis l'avale. Alors dans ce cas-là, l'avis qui prévaut chez Shafi'iya, également al-Hanabila, est que cela n'invalide pas le siyam, car on n'a aucune preuve qui indique que cela invalide le siyam. C'est l'avis qu'a choisi Ibn Qudama et également Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi majma'in. La question suivante concerne le cas où la personne avale la salive d'une autre personne. L'imam al-Nawawi a dit que si une personne avalait la salive d'un autre, et bien dans ce cas-là, cela invalide le siyam. Qala bil-ittifaq, selon l'accord de tous les savants. La question suivante concerne le fait d'avaler la nourriture qui reste entre les dents. Des fois, il reste de la nourriture coincée entre les dents. Alors, la majorité des savants est d'avis que si la personne avale de la nourriture qui est restée coincée entre les dents, dans ce cas-là, cela invalide le siyam. C'est l'avis, entre autres, de l'imam Malik, d'Ahmed, de Shafi'i et d'autres. Et c'est l'avis le plus juste. Ils ont dit que cette nourriture qui est restée coincée entre les dents est considérée comme de la nourriture. Donc, le fait de l'avaler invalide le siyam. Ils ont dit que la personne devait faire attention. Elle aurait dû faire attention à bien nettoyer sa bouche. Donc il faut faire très attention lorsqu'on jeûne à ce qu'il ne reste pas de la nourriture coincée entre les dents. La question suivante est-ce que le fait de goûter ou de mâcher de la nourriture invalide le siyam pendant qu'on jeûne? L'imam Ahmed et également l'imam Shafi'i sont d'avis que cela est permis en cas de besoin. Par exemple, si une personne cuisine et qu'elle a besoin de savoir si son plat est assez salé ou assez sucré, eh bien, il lui est permis de goûter le plat. Et cela n'invalide pas son siyam. Également, il est permis de mâcher de la nourriture pour la donner, par exemple, à un petit, à un bébé. Et cela n'invalide pas son siyam également. Et certains savants ont dit que cela a été réprouvé. Mais il n'y a aucune preuve à ce sujet. Rien ne prouve que cela est réprouvé. Donc, la vie le plus juste, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, est qu'il est permis de goûter ou de mâcher de la nourriture lorsqu'on jeûne et que cela n'invalide pas siyam. Et bien sûr, il faut faire très attention de bien recracher ce qu'on a goûté pour ne pas l'avaler. La question suivante concerne l'ilk. L'ilk, en arabe, désigne la gomme à mâcher, qui englobe les chewing-gums et autres. Est-il permis d'utiliser de la gomme à mâcher, comme les chewing-gums, lorsqu'on jeûne? Ici, on a deux cas de figure. Le premier cas est le cas où rien ne se dégage de la gomme à mâcher. Si rien ne se dégage de la gomme à mâcher, dans ce cas-là, cela est permis. Il est permis d'utiliser la gomme à mâcher lorsqu'on jeûne. Et cela n'invalide pas siyam. Et le deuxième cas est le cas où des ingrédients se dégagent de cette gomme à mâcher. Si des substances se dégagent de la gomme à mâcher, comme par exemple du sucre, eh bien dans ce cas-là, cela invalide le siyam. Donc si on mâche quelque chose comme du chewing-gum et que des substances s'en dégagent, par exemple si on mâche un chewing-gum et qu'il y a du sucre qui se dégage de ce chewing-gum-là, eh bien cela invalide le siyam. C'est l'avis de la majorité des savants et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh Ibn Uthaymin, rahimullah wa ta'ala. La question suivante concerne les glaires. Est-ce que le fait d'avaler ces glaires invalide le siyam ou pas? Ici, on a deux cas de figure. Le premier cas de figure est le cas où les glaires ne parviennent pas à la bouche. Si les glaires ne parviennent pas jusqu'à la bouche et descendent directement à la gorge, dans ce cas-là, cela n'invalide pas siyam, comme l'a cité l'imam al-Nawawi. Et le deuxième cas est le cas où les glaires parviennent jusqu'à la bouche, puis que la personne les avale. Dans ce cas-là, l'avis qui prévaut chez Al-Hanabila et également chez Al-Shafi'iya est que cela invalide le siyam. Ils ont dit que si les glaires parviennent jusqu'à la bouche et que la personne les avale, cela invalide le siyam. Et c'est l'avis apparent de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah wa ta'ala. Ils ont dit que la personne aurait pu éviter cela en recrachant les glaires. Et d'autres savants ont dit que cela n'invalidait pas le siyam. Ils ont dit que les glaires n'étaient pas considérés comme de la nourriture ni de la boisson. Ils ont dit que ce cas-là était semblable à celui qui avale sa salive. Celui qui avale sa salive, eh bien, on a déjà vu que cela n'invalidait pas siyam. Donc, ils ont dit que c'était la même chose. C'est l'avis qu'a choisi Cheikh Mouqbel et également Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi majma'in. Et Cheikh Mohammed bin Hizam a dit que c'était l'avis le plus juste. Il a dit que l'avis le plus juste était que l'éclair n'invalidait pas le siyam, car ce n'est ni de la nourriture ni de la boisson. Et ce cas-là est semblable à la salive. Et bien sûr, par contre, il faut faire attention à éviter cela. Il faut éviter d'avaler ces éclairs. Déjà, c'est quelque chose de répugnant, et en plus, ça peut provoquer des maladies. Donc, il faut recracher les éclairs. Il ne faut pas les avaler. La question suivante est: si celui qui fait ses ablutions se rince la bouche et le nez et avale de l'eau involontairement, alors est-ce que cela va invalider son siyam ou pas? L'imam Ahmed, et également Ishaq et Abu Thor, sont d'avis que cela n'invalide pas le siyam. Ils ont dit que c'était quelque chose d'involontaire. La personne n'a pas fait exprès d'avaler de l'eau. Donc dans ce cas-là, cela n'invalide pas le siyam. C'est l'avis qu'a choisi l'imam al-Bukhari et également Hisham ibn al-Uthaymeen. Et d'autres savants comme l'imam Malik et Abu Hanifa sont d'avis que cela invalide le siyam. Ils ont dit que le prophète alayhi salatu wasalam, a dit dans un hadith: Wabaligh fil istinshaq illa an takuna sa'iman. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wasalam, a dit de bien aspirer l'eau lorsqu'on accomplit le wudu, les ablutions, sauf dans le cas où on jeûne. Ils ont expliqué qu'il ne fallait pas trop aspirer l'eau lorsqu'on jeûne pour ne pas avaler de l'eau, et que si on avalait de l'eau, et bien dans ce cas-là, cela invalide le siyam. Donc voilà le raisonnement. Et Cheikh Mohammed bin Hizam a dit que l'avis le plus juste était le premier avis, qui est que le fait d'avaler de l'eau involontairement lorsqu'on accomplit les ablutions n'invalidait pas le siyam. Et le hadith qu'on vient de lire n'indique pas cela. Il n'indique pas que le fait d'avaler de l'eau involontairement invalidait siyam. Il a cité que ce hadith indiquait tout au plus qu'il fallait faire attention lorsqu'on jeûne de ne pas trop aspirer l'eau, non pas que cela invalidait siyam. Donc voilà, l'avis le plus juste, c'est que cela n'invalide pas siyam. La question suivante est: est-ce que les piqûres invalident le siyam? Les savants ont cité que si l'injection, la piqûre, alimente le corps, dans ce cas-là, cela invalide le siyam. Si la piqûre contient des produits nutritifs, cela invalide le siyam. C'est ce qu'a cité Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen et Cheikh Salih Al-Fawzan également. La question suivante concerne el-qalas. El-qalas est le fait de régurgiter. Parfois, on a un peu de nourriture ou d'eau qui sort vers la gorge ou la bouche. Alors, dans ce cas-là, est-ce que cela invalide le siyam ou pas? Ici, on a deux cas de figure. Si cette nourriture et cette eau parviennent jusqu'à la gorge et qu'on la ravale involontairement, dans ce cas-là, cela n'invalide pas le siyam. Mais si cette nourriture parvient jusqu'à la gorge et qu'on la ravale volontairement, dans ce cas-là, cela invalide le siyam, comme l'a cité Cheikh Mohammed bin Hizam. La question suivante concerne l'utilisation du siwak lorsqu'on jeûne. Est-il permis d'utiliser le siwak pendant qu'on jeûne? Certains savants ont cité deux cas ici. Ils ont dit le premier cas est le cas où le siwak est dur. Si le siwak est dur, eh bien dans ce cas-là, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i et d'autres ont dit que l'utilisation du siwak était recommandée qabl zawal, avant le zénith, dans la matinée, et que cela était réprouvé dans l'après-midi, ba'd zawal. Ils se sont basés sur ce hadith où le prophète alayhi salatu wasalam, a dit: Idha sumtum fastaku bil ghada wa la tastaku bil 'ashi. Le prophète alayhi salatu wasalam, a dit: lorsqu'on jeûne, eh bien, il faut utiliser le siwak le matin et pas l'après-midi. Ce hadith est rapporté par Dharqutni. Ils se sont basés également sur ce hadith où le prophète alayhi salatu wasalam, a dit: La khulu fam sa'im atyab 'inda Allah min rih al-misk. Il a dit que l'haleine de celui qui jeûne est meilleure auprès d'Allah que l'odeur du musc. Donc Allah aime l'odeur de l'haleine de celui qui jeûne. Cette odeur-là est préférable à l'odeur du musc. Donc ils ont dit que celui qui allait utiliser le siwak allait faire disparaître cette odeur-là. Donc cela est déconseillé. L'utilisation du siwak est déconseillée. Et d'autres savants comme l'imam Malik et Abu Hanifa sont d'avis que l'utilisation du siwak est tout le monde recommandée. C'est l'avis qu'a choisi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah wa ta'ala. Ils se sont basés sur ce hadith où le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit: Laula an ashukka ala ummati la amartum bi siwak 'inda kulli salah. Le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit: si ce n'était la peur de mettre ma communauté dans la gêne, eh bien, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak à chaque salat. Ce hadith est rapporté par le Bukhari Muslim. Et dans une autre version, 'inda kulli wudu, à chaque fois qu'ils accomplissent le wudu, les ablutions. Donc ici, bien sûr, eh bien, cela serait très compliqué. Cela impliquerait qu'on devrait toujours avoir un siwek avec nous lorsqu'on accomplit la salat et également lorsqu'on accomplit le wudu, ce qui n'est pas pratique. Ils se sont basés également sur ce hadith où le prophète alayhi salatu wasalam a dit siwak mataharatun li fam wa maradati li rab. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit que le siwak permettait de purifier la bouche et que c'était quelque chose qui satisfait Allah azawajal. Et le deuxième cas est le cas où le siwak est tendre. Dans le cas où le siwak est tendre, certains savants comme Qatada, également Shabi, sont d'avis que cela est déconseillé, que cela est déprouvé, car il y a des petits morceaux qui risquent de se détacher du siwak et qu'on peut les avaler. Donc ils ont dit que cela a été réprouvé. Et d'autres savants, comme l'imam Ahmed, également Thawri, Lawza'i et d'autres, eh bien, ont cité que cela n'était pas réprouvé, que cela n'était pas déconseillé. On peut utiliser le siwak, même s'il est tendre. Ils ont ajouté à condition de faire attention de ne pas avaler les petits morceaux qui risquent de se détacher du siwak s'il est tendre. Et c'est l'avis le plus juste. Donc l'avis le plus juste est que l'utilisation du siwak, même s'il est tendre, n'est pas déconseillée. Mais il faut faire attention de ne pas avaler les petits morceaux. C'est l'avis qu'a choisi l'imam al-Bukhari, Ibn Hazm et d'autres savants également. Donc en résumé, l'utilisation du siwak n'est pas déconseillée. Elle est recommandée dans tous les cas, qu'il soit dur ou tendre. Et la réponse au hadith où le prophète alayhi salatu wasalam, a dit d'utiliser le siwak le matin et non pas l'après-midi, eh bien la réponse est que ce hadith-là est daif. Ce hadith qui est rapporté par Ad-Darqutni est faible car il y a dans la chaîne de transmission Kaysan Abu Omar. Donc il ne veut pas servir d'argument. Ce hadith est faible. Donc en résumé, l'utilisation du siwak est recommandée même lorsqu'on jeûne. La question suivante est-il permis d'utiliser du dentifrice lorsqu'on jeûne? La réponse est qu'il est permis d'utiliser du dentifrice lorsqu'on jeûne en faisant bien attention à ne pas en avaler. C'est l'avis qu'a choisi Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen et Cheikh Salah Al-Fawzan également. Donc il est permis de se brosser les dents avec du dentifrice en faisant bien attention à ne pas en avaler. La question suivante concerne le fait de fumer. Est-ce que le fait de fumer invalide le siyam ou pas? Ici, bien sûr, on va rappeler qu'il n'est pas permis de fumer. Il est interdit de fumer. Mais la question concerne le fait de fumer. Est-ce que cela invalide le siyam ou pas? La réponse est que le fait de fumer invalide le siyam. Et les savants ont cité que des substances parviennent jusqu'à l'estomac et que cela invalide le siyam. C'est l'avis qu'a choisi Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah wa ta'ala. C'est ce qu'il a cité. La question suivante concerne les aérosols, les inhalateurs comme la ventoline par exemple. Est-ce que cela invalide le siyam ou pas? Est-ce que les aérosols comme la ventoline invalident le siyam ou pas? Et Cheikh Ibn Uthaymeen a dit que cela n'invalidait pas le siyam, que l'utilisation des aérosols comme la ventoline n'invalidait pas le siyam, car la vapeur qui est aspirée ne parvient pas jusqu'à l'estomac. Il a dit que la vapeur parvenait jusqu'aux bronches et non pas à l'estomac. Et de plus, il a expliqué que la vapeur n'était pas considérée comme de la nourriture ou de la boisson. Et comme on l'a dit, également, cela ne parvient pas jusqu'à l'estomac. Donc cela n'invalide pas le siyam. Donc l'avis le plus juste est que les aérosols comme la ventoline n'invalident pas le siyam. Et enfin, la dernière question est, celui qui rompt volontairement un jour de siyam, doit-il le rattraper ou pas? La majorité des savants, parmi eux, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed et d'autres, ont cité que la personne devra rattraper ce jour-là. Si une personne rompt volontairement un jour de siyam, elle devra rattraper ce jour-là. Ils ont cité que ce jour-là est comme une dette dont la personne doit s'acquitter. Et on ne sera libéré de cette dette qu'en s'acquittant de cette dette-là. Il faudra rattraper ce jour-là. Qala l'imam Ibn Qudama, alayhi al-qada, la na'lam fi dhalika khilafan. Ibn Qudama a dit que la personne devra rattraper ce jour-là et qu'il ne connaissait aucune divergence à ce sujet-là. Cheikh Mohammed Nuhizam a dit que si Ibn Qudama voulait dire qu'il n'y avait aucun khilaf, c'est-à-dire aucune divergence dans son madhab, dans son école de jurisprudence, il a raison. Mais on ne peut pas nier l'existence d'un khilaf sur la question. Il y a divergence sur la question. En effet, Ibn Mas'ud, par exemple, n'est pas de cet avis-là. Qala Ibn Mas'ud, « La yujziu qada'u wa insam ad-dahr » Il a dit que la personne ne pourra jamais rattraper ce jour-là qu'elle a rompu volontairement, même si elle jeûnait tout le temps. Et cet avis-là est l'avis qu'a choisi Ibn Hazm. Et c'est également l'avis qu'a choisi Cheikh Muqbal, rahimallahu wa ta'ala. Cheikh Mohammed bin Hizam a dit que c'était l'avis le plus juste. L'avis le plus juste est que la personne ne pourra jamais rattraper ce jour-là de siyam. Il a dit qu'il n'y avait aucune preuve qu'on pouvait jeûner un jour à la place de ce jour-là. Si une personne rompt volontairement un jour sans aucune excuse, on n'a aucune preuve qui indique qu'on pouvait jeûner ce jour-là. Et en fait, eh bien, les savants ont expliqué que cette personne-là a transgressé les droits d'Allah Azzawajal. Il a transgressé les préceptes d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal a délimité une période, un temps pour accomplir le siyam. Et si la personne n'accomplit pas ce siyam-là pendant le temps qui a été imparti, il n'y a aucune preuve qui indique qu'il est permis d'accomplir ce siyam-là après le temps imparti. Aucune preuve n'indique cela. Donc ils ont dit qu'il était impossible de remplacer ce jour-là après le temps imparti. Aucune preuve n'indique cela. Que doit faire la personne ? Qalu Ali ibn Tawba. Il a dit que la personne devait se repentir. Elle devait faire Tawba et se repentir de ce péché qu'elle a commis là. Wa Ali ibn Katharat al-Istighfar. Il devait demander pardon à Allah Azza wa Jal de ce qu'il a commis. Donc la personne doit faire beaucoup d'actes de ibad. Il doit jeûner des jours supplémentaires, faire des adorations supplémentaires pour se faire pardonner ce qu'il a fait. Mais il n'y a aucun moyen pour lui de rattraper ce jour-là. Donc voilà la vie le plus juste. La vie le plus juste est que celui qui rompt volontairement un jour de siyam n'a aucun moyen de rattraper ce jour-là et que la personne doit faire tawba, elle doit se repentir. Donc voilà pour ce dars. On a vu certaines questions. Et on a vu si ces points-là invalidaient le siyam ou pas. Wa ilayhi wa na wa alhamdulillahi rabbil alamin.